Leçon 3, exercice 37. Vous décrivez les qualités d'une personne, dites-le autrement. Exemple. Il n'a pas peur du changement. Il s'adapte. À vous. Il fait bien circuler l'information. Il communique. Il n'attend pas que vous lui disiez ce qu'il doit faire. Il anticipe. Il prend des initiatives. Il n'a pas toujours besoin de vous demander comment il doit faire. Il est autonome. Vous lui dites de faire quelque chose, il le fait vite et bien. Il est efficace.